T'es en bégout, ton fou, j'ai déjà cette entre votre frites à la dépillée, con qui m'en mose, hein. Vendjan bleu, la toxi, c'est vous n'en pas, pas, oui. Anouali. Anouali. Mati, bon temps, on l'est pour tout. Ou sa bougouni, en go coucou. Coussé, femme qui aime ou tout. Donc, on qu'est fait mouillé contre l'eau. Baguette, la ouais, dès qu'il pas molle. Nous qu'est coupé même en battle. Ou pas besoin de boire trop alcool. Si c'est juste pour ou est popol. Moi, ça vous est mes go machines. Qui pitié, mais planté au con d'achine. Piché d'adam, con mandarine. Si c'est coq, mais con en tétine. Stick in your back. Mon dos pas plat, mon tipi bois con en go macacan, stick in your back. Mon dos pas plat, mon tipi bois con en go macac. Mati bon temps on l'est pour tout. Ou sa bougouni en go coucou. Coussé femme qui aime ou tout. Donc on qu'est fait mouiller contre l'eau. Baguette la ouais dès qu'il pas molle. Nous qu'est coupé même en battle. Ou pas besoin de trop alcool. Si c'est juste pour ou est pop. Et pour femme sa jambe est finette. Et même si mon y en mal tête. Même si nous mini mitraillette. Ou j'a sa coucou en quéquette. Et puis aux alentours. Tout toujours ni ma commère qui a critiqué au pouta payer en la chair. Fini c'est pas j'ai fort à d'un pièce des affaires. Mais c'est pas grave nous pas venez là pour la djer. Mati bon temps on l'est pour tout. Ou sa bougouni en go coucou. Coussé femme qui aime ou tout. Donc on qu'est fait mouiller contre l'eau. Baguette la ouais dès qu'il pas molle. Nous qu'est coupé même en battle. Ou pas besoin de trop alcool. Si c'est juste pour ou est popol. T'es en bégout ton fouché dans cette entre votre frite salade. Et puis y'a un coup qui m'en mozote. Vendjan bleu. Let's go.